Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2010. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Salut Stéphanie. Allô Mathieu. Ça va? Oui, toi? Super! Super! On a quelques nouvelles entrées cette semaine, pas énormément. Les semaines passées, on avait beaucoup de choses, donc à un moment donné, il faut se calmer un peu les pompons, là. Ouais, puis faut se dire que ces temps-ci, il n'y a pas grand de nouveaux albums, c'est les temps des fêtes, fait que le monde sort des albums de Noël, c'est pas mal juste ça. On s'en passe ici, assez fou, de ces albums de Noël-là. Ah, c'est sûr, on en mange! C'est pas dans le palmarès. On va avoir quelques nouvelles entrées, quand même, je disais quatre. Il va y avoir 354 Barry, Martin Léon et Nans & Nat. Oui, ben on va commencer avec la 20e position du côté francophone. C'est Adam avec Ligne secondaire de l'album Diversion. On écoute ça dans les palmarès, c'est fou. Et plus tard, chronique Guess What sur les actualités culturelles. Oui. Meilleur moment d'assemblage requis dans un instant classique. C'est pas mal ça. Ouais, pas d'entrevue cette semaine, wow. Je m'en plains tellement. Je suis là, puis... Ah oui. Caroline, pas d'entrevue. Ouf. Ligne secondaire d'Adam au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Je sais pas comment je vais faire. Le long de la ligne secondaire, de chercher le pourquoi, trouver une façon. Les cadres ont enregistré tous ses soupçons. Son paradis cérébral cache son instinct animal. Ses lèvres ont laissé des traces de son venin. Courir à contre-courant jusqu'au matin. La folie a une raison de tes manières. Tu as laissé tomber tes repères. Destination en zone étrangère. Numéro 20, nouvelle entrée. You're feeling so 20e position anglophone, c'était Nans and Nath avec la pièce Tell Me. J'ai bien aimé, je connaissais pas ça. Ouais, moi non plus, je connaissais pas. Allez voir leur site web si vous voulez en savoir plus. C'est nansandnath.com, N-A-N-S-N-A-T.com. Eh bien, c'est sur leur démo CD. C'est très, très bon. Ouais, on aime ça. Avant, c'était Adam ou Adam avec deux D. L'album s'appelle Diversion et la pièce, c'est Ligne secondaire. On a bien hâte de voir ces petites pièces-là monter. Alors, on va sauter par-dessus les 19e et 18e positions anglophones. En 19, c'est Katie Tunstall avec Still a Weirdo. Ça descend de 6 places. Et en 18e, c'est Fun qui descend de 9 avec All the Pretty Girls. Et on va aller écouter deux autres nouvelles entrées, les deux dernières nouvelles entrées pour cette semaine. Côté francophone, on va entendre 354 Barry. Mais on va commencer avec la 19e position qui est Martin Léon avec Prends-moi tel quel. Au palmarès, c'est fou. Au 89.fm. Prends-moi tel quel. C'est suggestif, disons. Hein? Je vois pas de quoi tu parles, Mathieu. Non, je sais. We'll be right back. ça allait. Et après avoir réfléchi, est parti. Celle-là, je m'y attendais pas, en tout cas. Non, petite variante. 354 Barry avec À l'asile, nouvelle entrée en position numéro 18 sur leur album Corpocratie. Et juste avant, on a entendu Martin Léon avec Prends-moi tel quel, nouvelle entrée, 19e position. On est rendu aux positions numéro 17. Du côté anglophone, il va y avoir Mister Valère avec Gumshoe qui descend de la position numéro 3. Méchante chute, hein? Méchante chute, telle une gomme qui serait prise dans ton soulier, puis là, ça te fait comme une petite pète la marque Goulette. Ouais, mais ça veut peut-être dire qu'il va y avoir une nouvelle chanson de Mister Valère bientôt. Ah, peut-être. Est-ce que c'est Marc Goulette ou Marc Boulette? Bonne question, hein? Bonne question. Pas très intéressante, encore une fois, mais bon. Avant d'aller écouter Mister Valère, on va l'entendre Vulgaire Machin avec Je m'excuse, je t'aime à la 17e position. Ça baisse de 7 positions. Et on écoute ça où? C'est fou, 89.1. À quelle émission? Au Palmarès. Ça joue bien, oui, ça. C'est des problèmes de mémoire, Mathieu? Ben non, mais je me rappelle plus, c'est quoi, là? Je suis tellement habitué, je suis dans le mode assemblage requis. C'est quoi cette émission-là? Qu'est-ce que je fais ici? Pour toi aujourd'hui. Je capote. Mathieu, Palmarès. Ouais. De 2 à 5. 2 à 5? Les jeudis? Oui. Ah ouais? Ouais, eh bien. Ça dérange-tu si on va écouter Mister Valère à la place? À la place de Vulgaire Machin, mettons, là. Mettons que j'avais à te demander ça, là. Mettons que... T'as-tu un bel choix, mettons? Non. Pas vraiment. Gumshoe, Mister Valère, au 89 FM. Hey, c'est Batman et Robin. Ils nous ont cernés. Séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Don't give up. Autour Chili Gonzalez, Weezer et la Patin Rose dans les Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Numéro 16. Thank you. La pièce Night Moves de Chili Gonzalez, ou comme je les appelle, Chili Guns, hein, c'est pas le surnom du siècle. Là, on s'entend que ça sauve comme une ou deux syllabes, là, c'est pas tant que ça, mais bon, Chili Guns. Ouais, ça a bien de l'allure. C'est la position numéro 16, ça descend de 5 places. Merci de m'appuyer dans mes démarches. De rien. C'est fini. Je suis comme essoufflé. Ça paraît pas du tout. On est rendu à la 15e position. Non, ça c'est pas moi, ça c'est Mathieu qui est essoufflé d'être assis sur sa chaise. Ouais, ben moi ça m'en prend pas beaucoup. On est rendu aux positions numéro 15, oui, comme tu le disais. Du côté anglophone, c'est Danko Jones avec Magic Snake qui monte de 2 places. Oui, du côté francophone, c'est la Pata Rose avec Waikiki qui baisse de 11 positions. Ben allons-y alors! Pourquoi pas? Au palmarès, c'est fou! Dans un bloc, juste pour vous avertir, qu'il n'y a aucune façon de le faire fitter, ce bloc-là. Mais c'est un palmarès. C'est ça, il faut parler entre les deux. Ça rend la chose moins brusque. Je pense que ça va être brusque pareil. Sûrement. Mais on va l'essayer quand même. Ça va être drôle, là. Ça va être spécial. OK. Donc, on est rendu à la position numéro 15 anglophone. Voici Danko Jones et Magic Snake. Numéro 15. You got a makeshift 666 on the back of your skull. The birds and the bees don't come around no more. It's just too bad your honey pot dried up. nothing no more. Fantasies can't turn to nightmares. You got a house full of haunts, but a house just ain't a home. Stay in if you wanna, but your hunger ain't into leaving. You got a wand that don't seem to wanna go. Slip out and see what seeds you sow. Kinda hard to beat the slump don't let you grow. Slither no more. When you was on the scene, before you fell behind the beam, nobody could say a thing. Now you're incomplete. It's a fall if you feel it all. Get back in the ring and numb to the sting. Danko Jones avec Magic Snake de l'album Below the Belt, c'est à la 15e position côté anglophone et ça monte de 2 positions. Avant ça, du côté francophone, c'était la Patère Rose avec Waikiki qui descend de 11 places. Waikiki qui descend. Waikiki. Waikiki. Waikiki. C'est une fun à dire, ça. J'aime ça. J'aime ça, moi, leur dire. Waikiki qui descend de 6 places. Non, 11 places. Ça va mélanger avec les mathématiques. Moi, de faire des petites drôles de phrases comme ça, tu me regardes comme si j'étais vraiment un épée. Je te regarde même pas, j'ose même pas. Non, c'est ça. J'invente. On est rendu position numéro 14. Tout à l'heure, on va entendre Weezer avec Hang On qui monte de 2 places. Et là, ça m'intriguait. Je trouvais ça vraiment drôle. Ça m'a impressionné. Sur l'album de Weezer, il y a une petite étiquette avec. Ça dit Weezer featuring the hit singles Memories, Ruling Me, Trainwrecks, Unspoken, Where's My Sex, Runaway, Hang On, Smart Girls, Brave New World, and Time Flies. Ce sont les titres des 10 pièces en arrière. Je trouvais ça drôle. Mais ça, de toute façon, c'est très drôle parce que sur toutes les CD, c'est comme. Ah, les hits, nanana, mais ouais. Non, c'est pas des hits. Qu'est-ce que ça veut dire un hit? C'est ça. Selon les critères de qui? Ça ne fait que devenir un hit plus tard. Ça pourrait devenir un hit. Bon, ce que j'aime aussi, c'est, c'est la quote, la citation « riveting ». C'est, comment dire, accrocheur. Et là, qui a dit ça? Épitaphe, l'étiquette de disque. C'est le fun. Ouais, c'était un peu n'importe quoi aussi, cette CD-là. Là. Ouais. T'sais, ils ont dit qu'ils appelaient ça Hurley pour le personnage de Lost, mais finalement, c'était parce qu'il y avait... Il avait signé un contrat avec la marque de vêtements, Hurley. Ouais. Mais ils ont quand même mis la face de Hurley de Lost sur la couverture de l'album. Ouais. Et ça, c'est très gagnant, je trouve. Non? Non. Lui, Movember, il l'a à fond. Hein? Il y a plus que Movember, je pense. Ouais. Il y a toute l'année au complet. Ouais, c'est tellement laid. Bon. Donc, Weezer tout à l'heure avec Hang On en position numéro 14 anglophone. Oui, position 14 francophone, c'est Danny Placard avec Janine qui monte de une position. C'est sa 5e semaine au palmarès. Oui, c'est les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Only the best. Only the best. Best in the West. Oui. Ouest de la région, mettons? Genre. Yeah. numéro 14. Vous êtes toujours au Palmarès, c'est fou. Petite transition très subtile ici pour mettre la bonne pièce. Super. Bel job. Ça a marché, ça paraît pas pantoute, là. Dis-le, ça paraît pas, là. Ça paraîtrait moins si tu l'avais pas dit en même temps. Ah, c'était ça, l'affaire. Ouais, je pense que c'est ça, le hic. Someday, I'll be coming for you. You know what I'm wanting to do. I'm position numéro 14, ça monte de deux places du côté anglo. Et juste avant, du côté franco, c'était Danny Placard avec la pièce Janine de son album Placard. Tout à fait. Avant de continuer avec les positions numéro 13, Chantal Archambault et The New Pornographers, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, bonne idée. C'est une bonne idée, hein? Parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des CD. C'est avec ça qu'on va commencer, d'ailleurs. Nouvelles entrées, il n'y en a qu'une seule. C'est la 20e position, Nans and Nat, qu'on a entendu au début de l'émission avec leur demo CD. En troisième, ça monte de 7 places, Hooded Fang avec Hooded Fang Album. Deuxième place, ça monte de 5, Rara Riot avec The Orchard. Et en première, ça monte de 2, Our Book and the Authors avec Remixes. Mais c'est pas vraiment le nom de l'album, je pense. Non, y a pas, je pense pas qu'il y ait de titre. On inventé. Hein? C'est mieux qu'un remixing de songs from the band that that ouais. J'essayais, mais j'ai pas d'imagination assez pour ça. Je vais te trouver le nom de l'album officiel dans quelques secondes. Est-ce qu'il y en a un pour vrai? Ça me surprend. Non, hein? Mais je veux dire, quand tu rentres l'album sur ton iTunes, ça entre automatique. Et c'est écrit Our Book and the Authors. Non, c'est Edit EP. Edit EP, ça veut rien dire, c'est fun. C'est fun. Hein? C'est fun. On apprend des affaires ici. Et donc, pour le top 3 des 10 Canadiens, pas de nouvelle entrée. Numéro 3, c'est Black Mountain avec Wilderness Heart, même que la semaine passée. Numéro 2 aussi, c'est Stabler Book and the Authors avec le Edit EP ou Remixes, comme vous voulez. Et numéro 1 aussi stable, c'est Mister Valère avec Golden Bombay, 24e semaine. Top 10 électronique maintenant, il y a une seule nouvelle entrée, mais c'est la première, donc on va faire le top 3 au complet. Troisième position, moins une pour Lovers avec Dark Light. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Gold Panda avec Lucky Shiner. Et le numéro 1, c'est nouveau, comme j'ai dit, Freedom or Death avec Freedom or Death EP. Et le top 10 loud, pas de nouvelle entrée. Troisième position, c'est Seventh Sin avec Stranger Among Gods. Deuxième position qui monte de une position, c'est Holy Grail avec Crisis in Utopia. Et numéro 1, qui était numéro 2 la semaine dernière, c'est Blind Guardian avec At the Edge of Time. Voilà, retournons à notre top 20 de chaque côté. Hein. Il y a deux top 20, donc c'est comme un top 40, mais c'est pas un top 40 dans le sens qu'il y a 40 positions. Hein? Mais il y en a 40 positions, mais c'est pas, il n'y a pas 40 chiffres, mettons. Hein? Non, il y a 20 puis 20. Dur à comprendre, pareil. Hein? Deux positions de chaque... non, pas sûr. Position numéro 13 anglophone, c'est The New Pornographers avec My Shepherd. Ça monte de 7 places et c'était nouveau la semaine passée. Et côté franco, c'est Chantal Archambault avec Le Poids à la Bois qui monte de une position. Et c'est au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Ça, c'est simple, ça. Simple à comprendre. Ça prend pas une grosse tête, ça. C'est fou, 89 heures, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ouais. Il y a une virgule, mais on l'a dit rarement, je trouve. 89,1. J'ai le feu pris à l'intérieur de moi. J'ai le cœur qui vit au tremblement dans tes yeux. Je me dépose entièrement. Tes mots tendres me fondent dans la bouche. Les fils de mes nombreuses idées se touchent. Je n'ai plus qu'à abandonner mon corps. Into connections. The New Pornographers et My Shepherd montent de 7 places. Tenez-vous, la semaine passée en 20e, là, c'est en 13e place. Et avant, c'était Chantal Archambault avec le poil à bois de son album La Romance des couteaux. Et c'est la fin de la première heure. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième. Il va y avoir la chronique culturelle Guess What? Oui, qui s'en vient bientôt. Puis je peux vous dire que je vais vous dire des nouvelles en même temps que bien d'autres sites, mais je l'ai su avant eux autres. T'es forte, là, vraiment, là. Bravo! Ben j'espère, j'avais préparé ma chronique cette semaine, puis c'est aujourd'hui que tout plein de sites culturels disent mes nouvelles. Je crois rêver. Alors, c'est à voir dans la prochaine heure. T'as du mérite d'avoir inventé ces nouvelles-là toi-même, hein? Je les ai juste pris sur d'autres sites web, mais bon. Oui! Comme vous voulez. C'est fou, ça. Bon, attends, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2010. Celle, c'est Stéphanie Gagné. Et lui, c'est Mathieu Plante. Qui d'autre? Qui d'autre, hein? Mathieu Plante. C'est un peu déprimant de la façon que t'en parles, comme s'il y avait rien que moi. Tu m'énerves? Ben non, je disais pas ça comme ça. Ah, OK, c'est un compliment? Oui. Comme qui d'autre pourrait animer les palmarès que Mathieu? Parce que Mathieu et Simon. D'accord. Bon, mais mettons que ça arrête. Va. Arrête. Je vais l'accepter pour cette fois-ci. C'est correct. On est rendu aux positions numéro 12. En fait, on va entendre les 12e et 11e dos à dos d'affilée, tel un verre de terre coupé en deux, ensuite qui se reforme et... Oui, mais on va passer par-dessus la 12e position du côté francophone. Y a c'est ça. Atomic Baobab avec Bombe cérébrale qui reste stable à la 12e position. C'est sa 9e semaine au palmarès. On va voir Vanessa Parietter et Final Flash en 11e, mais avant ça, on commence par la 12e anglophone. Voici Tokyo Police Club et Favorite Color. Ça monte de 7 places, c'était le mois la semaine passée et on adore. Oui, au palmarès, c'est fou. En fond, c'est comme un verre de terre que tu récupères en deux, mais ensuite, on aurait coupé une autre partie de l'autre. Puis après ça, une des deux petites corps de verre de terre aurait comme. Oui, Mathieu. The day that your brother started to talk was the day that I found you like that. The national child star in a coat and a scarf along the laundromat. Now we got the keys to an apartment we share and we stare up as late as we'd like. Like Casey and Georgia, like Sonny and Cher. What a great numéro 11. Final Flash avec You, 10e position, ça monte. Non, ça descend de 2. Ouais, puis c'est The Awakening, mais t'étais proche quand même. Pas mal proche. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit You. Ah, ça c'est Brand Van. Ouais, c'est ça. Avant, c'était Tokyo Police Club avec Favorite Color qui monte de 7 places. Et avant, on a sauté par-dessus Atomic Baobab et Bombe Cérébrale, stable en 12e. Mais Bombe Cérébrale, c'est sa semaine numéro 9. Donc, c'est là depuis longtemps. Et on va certainement entendre une nouvelle pièce d'Atomic Baobab dans les prochaines semaines parce qu'on vient de recevoir leur maxi. On a très, très hâte de mettre ça dans le palmarès, de vous spinner ça. C'est sûr, il est vraiment très, très bon le CD. Ouais, en tout cas, ce que j'ai entendu. Là. Excellent. C'est écœurant. C'est pas pour rien que je vais tout le temps aller voir en spectacle. Ouais. C'est-tu fréquent, ça? Très fréquent. Tous les spectacles à Trois-Rivières. Oui, bon. Toi, t'es une fille renseignée, t'es une fille d'information. T'aimes partager tes connaissances culturelles du moment. J'en mets-tu beaucoup, là? Importance sur culturel. Hein? OK, ouais, c'est ça. Pas de politique. Pas de politique. Non, non, wow, minute, là. C'est un sujet controversé. On n'abordera pas ça avec toi. On sait ce que t'en penses. J'ai aucune idée de ce que tu penses, en fait, de ça. Je m'y intéresse aucunement. Moi non plus. Je connais rien de ça. C'est Guess What, donc. Hein? C'est à peu près ça. Guess What. Guess What. Guess What. Guess What. Guess What. Qu'on se connaît. Guess What. Guess What. Guess What, le blog des nouvelles avec Stéphanie Gagné. Quoi de neuf cette semaine, Stéphanie? Beaucoup de choses comme à l'habitude. Tu sais que les chaînes de télévision spécialisées dans la musique... Ils ont pas tant de vidéoclips que ça, hein? Non, pas tant. Musique Plus, tout ah, ça. Ah, là, t'es mentionné par nom. T'étais tellement vague sans dire le nom des non, chaînes. Non, j'y arrivais. Non, j'ai pas le choix de mentionner de toute façon parce que ça a rapport avec Much Music. Alors, ils ont décidé de troquer pas mal, dans les dernières années, les vidéoclips pour des émissions qui ont vraiment aucun intérêt. Là. La télé-réalité. Jersey Shore, télé-réalité avec Bret Michaels, qui est tellement trop laid, et Paris Hilton, et plein d'autres choses comme ça. Ou Tila Tequila. Oui, oui, oui. Bon. C'est la baby. Crois-le ou non. Much Music ont fait une demande au CRTC pour diminuer le pourcentage de vidéoclips de 50 à 25. Mais c'est dur de croire qu'il y a vraiment 50 % de clips à ces chaînes-là. Je veux dire, moi, faut ça me surprend. Tu l'écoutes genre la nuit. La nuit. C'est ça. Sauf que c'est ça. Et ils ont aussi fait une demande, si je me rappelle bien. J'ai lu le même article, mais je ne suis pas sûr de l'avoir retenu de la même façon que toi. Mais un pourcentage de musique francophone dans Much Music. Ça, je ne l'ai pas. Ils voulaient le diminuer. Je crois qu'il y a encore une émission de clips francophones, si je me rappelle bien, à Much Music. J'ai plus Much Music, mais je ne suis jamais tombé sur des clips francophones. Ils disent c'est maintenant avec Music Plus et l'Internet, etc. On n'a pas besoin de diffuser du francophone à Much Music. Ouais, ben justement, leur raison de diminuer le pourcentage de vidéoclips, c'est qu'il y a ils disent que les vidéoclips, c'est plus ce qui les rend spéciaux, nanana. Parce que maintenant, avec YouTube, avec Vevo, c'est Vevo maintenant qui reçoit les clips en premier avant Much Music. Donc, ils n'ont pas l'exclusivité. Ça, c'est pas faux. Mais en même temps, si c'est pas les vidéoclips, qu'est-ce qui rend Much Music spécial? Qu'est-ce qui donne une raison d'exister à Much Music? J'aimerais ça qu'ils répondent à cette question-là. Much Music. Ouais, ou même juste Much. Much de que c'est. Sérieux. Que c'est qu'ils ont... c'est quoi la raison d'être? Tant qu'à moi, ça devrait encore être de la musique. Ben oui. De la musique, des vidéoclips, des émissions comme l'émission qu'il y avait à Musique Plus puis qui ont enlevé État Critique. Oui. C'était une émission écœurante. Ça a duré quelques mois. C'était avec... Sébastien Diaz, Anne-Marie Wittenshaw et l'autre, je ne me rappelle plus. Le gars qui animait Génération W. C'était très bon. C'était pas Nicolas Titley. Nicolas Titley, voilà. Oui, c'est ça. Nicolas Titley. Mais bref, ils ont ramené au moins une émission semi-style de débat, là, mais c'est pas la même chose qu'État Critique, là, mais c'est un spin-off, une série dérivée de l'univers Musique Plus. Ouais. Ça s'appelle, je crois, Débat Critique. Ouais. C'est dans le même genre qu'État Critique comme ça. Mais c'est pas du tout le même. Non, je sais. Mais bon. On s'entend qu'avec Anne-Marie Wittenshaw, Sébastien Diaz, Nicolas Titley, c'est des personnes qui se connaissent vraiment. Puis c'était pas juste des albums populaires. Voilà. C'était vraiment de l'excellente musique. En tout cas, j'adorais l'émission. Et c'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire la demande. Mais ça a été refusé. Mais ils ont aussi fait une demande pour diminuer les heures d'opération de 24 heures à 18 heures. Wow. Et ça, ça a été accepté. Et ça veut dire que le pourcentage va être calculé par rapport à ces 18 heures-là. Ouais, le reste, quand ils vont être hors onde, ça comptera pas. Mais en 2010, vas-y. C'est entre minuit et 6 heures du matin, ils peuvent mettre des reprises dans le fond. Ouais, ben c'est ça. La plupart des chaînes spécialisées ont de toute façon que des infos pubs et des affaires vraiment mauvaises la nuit. Ouais. Pensant que les gens ont d'autres choses à faire que d'écouter la nuit. Mais excuse-moi, il y a un public pour ça. C'est pas pour rien. En 2010, il me semble, les chaînes 24 heures, même les chaînes d'information 24 heures sont en mode documentaire après genre 7 heures le soir. Donc, je comprends pas comment ça fait que ça a le droit d'exister. Mais bon. Peu importe. Hein? Alors voilà, ça c'est ma nouvelle pour concernant Much Music. Ensuite de ça, on a appris cette semaine que c'est Anne Hathaway et James Franco qui vont animer la 83e soirée des Oscars. C'est le 27 février prochain. Même si les nominations ne sont pas connues encore, il y a de bonnes chances que les acteurs pourraient être en liste pour un Oscar. Anne Hathaway pour L'amour et les autres drogues et James Franco pour 127 heures. Et justement, parlant des Oscars, il y a plusieurs films qui s'en viennent. Ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de nouveaux albums qui sortent et qui sont un peu intéressants, sauf des albums de Noël, zéro intéressant. Mais il y a beaucoup de films qui s'en viennent et qui sont vraiment bons. Justement, il y a L'amour et les autres drogues qui est déjà sorti. C'est inspiré du livre Hard Sell, The Evolution of a Viagra Salesman. C'est l'histoire d'un vendeur pharmaceutique qui rencontre une fille puis qui décide d'avoir une relation sans aucune attache. Puis finalement, évidemment, il tombe en amour. Mais la fille, elle a le Parkinson. Fait que ça donne un petit twist à l'histoire intéressant. Ouais. Et j'ai lu des critiques là-dessus. Puis à ce qui paraît, c'est très, très bon. C'est pas comme film fille à fond, là. Ça se passe genre au début des années 90, quelque chose de genre, c'est ça? Je pense que oui, dans ce coin-là. Spécial. Et aussi, j'ai mentionné 127 heures avec James Franco. C'est inspiré d'une histoire vraie de Aaron Ralston qui est resté pris sous un rocher quand il faisait de l'alpinisme. Ouais. On dit que c'est dur à regarder, ce film-là. Tu vas pas là pour passer un moment de plaisir. Hein, non, c'est ça, mais tu vois pas mal juste lui ouais. qui est tout seul puis qui est pris. Puis dans le fond, tu sais tout le long qu'il va finir par s'arracher le bras. Et voilà. Mais tu te demandes, dans le fond, c'est quand qu'il va le faire puis comment qu'il va faire pour se rendre à ce point-là, dans le fond. Moi, j'aimerais ça juste le voir pour savoir comment ils vont remplir l'heure et demie avant qu'ils se tranchent le bras. Là, parce mais qu'on ça aussi, les film, critiques là. Sont écœurantes ah ouais. pour ce film-là. Ça m'intrigue vraiment beaucoup, ça. Moi, depuis 2 ans, là, je m'intéresse pas mal aux films qui sont aux Oscars puis j'ai pas été déçu à l'autre. Et c'est du même producteur que Slumdog Millionaire. Exactement. Oui. Donc, très intéressant. Ensuite, le film que j'attends le plus, c'est Le Signe Noir qui sort le 10 décembre prochain. C'est un film de Darren Aronofsky qui a aussi fait Retour à Brooklyn, un film que j'ai adoré avec Jared Leto. C'est vraiment un de mes films préférés. C'est super bon. Et il a aussi fait Pi. Le Signe Noir, c'est un thriller psychologique. C'est l'histoire d'une ballerine qui se retrouve en compétition pour le personnage principal de la pièce Black Swan. Et dans le fond, dans Black Swan... Il y a comme deux facettes à la fille, disons comme l'ange et le démon, puis elle n'est pas capable de faire les deux, puis elle est en compétition avec une autre fille, puis là, elle vient un peu folle. Ça va être vraiment intéressant. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite de ça, Vincent Vallière a un nouveau vidéoclip pour ma pièce préférée, On va s'aimer encore. Vidéoclip assez simple, on voit différents moments de vie par rapport à l'amour, nanana, parents avec enfants, petit couple, amoureux, tout le kit. Très cute. J'ai vraiment aimé. Ensuite de ça, la nouvelle que tu vas aimer, parce que c'est en lien avec Michael Cera. OK. Michael Cera. Ouais. Il y a un nouveau supergroup qui vient de signer sur l'étiquette Sub Pop. Le groupe s'intitule Mr. Heavenly et c'est avec un membre de Modest Mouse et de Islands, entre autres. Et le groupe a joué un spectacle en première partie de Passion Pit avec Michael Cera. Alors là, il y a des questions qui se sont posées. Et finalement, Michael Cera n'est pas nécessairement un membre du groupe à temps plein. On ne sait pas encore s'il va rester là à temps plein, mais il y a plusieurs dates de spectacle qui sont prévues pour décembre et il va en faire partie. Mais ce ne serait pas étonnant qu'il devienne un groupe, un membre du groupe à part entière, wow. parce qu'avec son passé musical dans Scott Pilgrim et dans Nick and Nora's Infinite Playlist aussi, il jouait de la musique. Je crois que c'était le seul de la distribution de Scott Pilgrim, parce que Scott Pilgrim, c'est l'histoire d'un groupe, les Saint-Sauveur. Ouais. Si je me rappelle bien, c'était comme le seul qui avait de l'expérience musicale avant. Les autres avaient tout appris. Il joue pour de vrai. Ouais, c'est ça. Puis dans Nick and Nora's Infinite Playlist, il est dans un groupe aussi et il a joué aussi. J'en avais plus du nom du groupe dans le film, mais il jouait aussi dans ce film-là. Ensuite de ça, j'ai parlé des Oscars. Eh bien, il y a les nominations des Grammys qui sont sorties cette semaine et il y a plein de nominations assez intéressantes. Pour l'album de l'année, il y a Arcade Fire avec The Suburbs qui est en nomination, mais évidemment, c'est contre des gros noms, Lady Gaga, etc. Lady Antebellum qui est super connue aux États-Unis. Ensuite de ça, Best New Artist, Florence and the Machine et Mumford & Sons qui sont en nomination, donc je suis vraiment contente, deux groupes que j'aime beaucoup. Meilleure performance pop par un duo ou par un groupe, Glee, avec Don't Stop Believing, c'est fou. Non, pour vrai. Oui, wow. Je te le dis, c'est très drôle. Wow. Meilleure pièce, Dance, Robin avec Dance on My Own. Meilleure performance rock par duo ou groupe. Il y a Arcade Fire, il y a Muse, il y a Black Keys. Ça se ressemble un peu pour meilleure pièce rock avec Mumford & Sons, Muse, Black Keys. Pas mal la même chose. Mm. Meilleur album alternatif, il y a Arcade Fire, Band of Horses, Vampire Weekend, Black Keys et Broken Bells. Donc, assez difficile de faire un choix entre ces groupes-là, tout très bon. Meilleure compilation pour une émission de télé ou pour un film, il y a Glee avec leur premier album qui est en nomination. Il y a aussi Twilight avec la trame sonore de Eclipse. Je serais pas du tout étonné que celui-là gagne, puis tant qu'à moi, ça le mérite parce que c'est une excellente trame sonore malgré le film. C'est ça, c'est très bon. Alors, c'est ça, j'ai été étonnée en regardant toutes les nominations, je les ai toutes lues. Il y a 109 catégories. Wow! C'est n'importe quoi, musique hawaïenne, il y a toutes, là. Sérieusement, là. Ah, il y a plein d'affaires que je connaissais même pas, là. Musique Native American, là. Indienne, tu peux quitter, là. Oui, oui. C'était vraiment quelque chose. Y a-tu trad additionnel ou trad? Oui, il y a genre 14 là, trucs de traditionnel folk. Là. C'est l'enfer. Il y a tellement de catégories. Alors, c'est ça, c'est le 53e Gala Grammy, ce qui va avoir lieu le 13 février. Et j'ai parlé de Glee, eh bien, dans l'épisode de cette semaine, ils ont fait une pièce de Florence and the Machine. Pour vrai, quand même, c'est bien ça. Dog Days Are Over, j'étais tellement contente. La chanson a commencé, là, je capotais. C'était vraiment très, très bon. Écœurant. Et il me reste une dernière nouvelle. Voilà. Ils vont sortir une compilation qui va s'intituler Gasoline Rainbows pour le déversement de pétrole du golfe du Mexique qui a eu lieu il y a 2-3 mois. Ben ouais, je sais pas trop. Mais c'est pas culturel, je m'y connais pas là-dedans. Vraiment pas, non? vraiment pas. Mais je trouve, le nom est bizarre, il me semble. Gasoline Rainbows, des arcs-en-ciel de gasoline. C'est le titre d'une pièce que dans l'album. Étrange. Et c'est ça, il va y avoir des pièces de beaucoup d'excellents groupes. Je pense que je vais me procurer l'album. Cillian Color, Damien Rice, Phoenix, The National, Vampire Weekend, Tegan and Sarah, Passion Pit, Surfer Blood, Black Rebel Motorcycle Club, The Black Keys et LCD Sound System. Wow. Je pense qu'il m'en manque juste 2-3 que j'ai pas nommé. Je les ai pas mal toutes nommées. L'album, c'est une idée de Sophia Bush et de Austin Nichols, deux acteurs de One Tree Hill. Ah non, pour vrai. Oui, oui, je te le dis. Je te crois pas. Je te le dis. Je te crois pas. Les deux acteurs ont été sur la scène pour voir le résultat du déversement de pétrole, puis ça les a tellement touchés qu'ils ont décidé de faire un album. Ça, c'est bien. Et pour être écologique, l'album va seulement être disponible de façon digitale et non physique. Malheureusement, moi, j'aime bien les CD physiques. Mais je pense que je vais quand même me l'acheter parce que ça va être très, très bon. Je pense qu'il y a juste deux pièces qui sont originales, par contre, qui ont été faites pour la compilation. Le reste, c'est des pièces qui existent déjà. Mais ça risque d'être une très bonne compilation. Et on va aller écouter une pièce de cette compilation. C'est la pièce de Tegan and Sarah, la pièce The Ocean de leur dernier album, Sainthood. Est-ce que tu penses qu'ils ont trouvé la pièce The Ocean en tapant sur Google, genre Song Lyrics Ocean, Song Lyrics Water, Song Lyrics Gasoline, ouais, Robinet peut-être, Oil, ouais. Ouais, probablement. Où est-ce qu'ils connaissent Tegan and Sarah? Peut-être qu'ils connaissaient déjà. Mais d'après moi, c'est peut-être entre artistes comme Cillian Color puis Tegan and Sarah, ils se tiennent pas mal ensemble, fait qu'il y a des liens. Donc Tegan and Sarah, The Ocean? The Ocean. Dans le blog Guess What de Stéphanie Gagné. Stop. Mathieu, pour qui voudrais-tu voter pour le meilleur album Bluegrass de l'année? T'as le choix entre Sam Bush, Patti Loveless, The Del McCoury Band, The Peter Roran Bluegrass Band ou The Steel Drivers. Wow. T'es allé chercher les catégories complètes, la liste des catégories pour les Grammy. Il y en a comme beaucoup trop. Nomme-moi-en quelques-unes d'intéressantes. Le meilleur Bluegrass album. Attends une minute, je vais retourner à ça. Je t'ai nommé tantôt parce qu'il était trop drôle. Meilleure musique hawaïenne. Attends, mon préféré. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Meilleur album de musique Zydeco ou Cajun. C'est beaucoup trop précis comme... C'est quoi de la musique cajun? Ben, la musique, je sais pas. Non, moi, ça me fait penser genre à, je sais pas, Louisiane, non, je sais pas. Je sais pas. J'ai aucune idée, j'ai pas de culture, moi. À part de ça... Ça me dit Zachary Richard. Meilleur album, Americana. Ouais. Ça, c'est genre du Willie Nelson. C'est là, ça. Le kit. Best Banda album. Banda, d'accord. Banda. Best Norteno album. OK. Je parle pas espagnol. Best Tejano album. Tejano. Best Regional Mexican Album. Uh-huh. Malheureusement, celui-là, il n'a pas nominé cette année. Non, triste. C'est triste, hein? Mais c'est Best pas parce qu'on Tropical connaît... Latin. Non, c'est beaucoup trop précis, on se comprend là-dessus. Mais bon, c'est pas parce qu'on connaît pas les styles que c'est pas bon, là. C'est pas ce qu'on dit, mais c'est que peut-être que... C'est un peu donné, précis. C'est ça. C'est beaucoup, beaucoup de catégories pour beaucoup, beaucoup trop de monde. Il faut sûrement qu'ils fassent comme 4 soirées des Grammys pour toutes les nommer, là. Non, mais ils doivent pas du tout avoir... ils doivent pas les inviter sur un plateau pour faire des remerciements. Je sais pas. J'espère que non. En tout cas, comme ici, on a comme la disque, qui est comme les principaux. T'as l'autre galère de la disque. L'autre galère de la disque avec les autres. Mais mon Dieu, les Grammys, c'est bien trop long. Ouais. Ah. Alors, c'est ça. Que voulez-vous? C'était The Ocean de Tegan and Sarah. Ah oui. Pièce qui va se retrouver sur la compilation Gasoline Rainbows. Merci, Stéphanie. Bien de rien, Mathieu. C'était le bloc de nouvelles culturelles. Guess what? Ça fait longtemps que je parle, hein? Ça fait un petit peu longtemps, mais c'est pas grave, on aime ça, on s'enseigne sur des affaires. Je m'en étais pas rendu compte, je viens de regarder l'heure, puis il est tard. Ça fait comme 20 minutes. Oh, ouais, ouais. on est rendu, on est toujours au palmarès, c'est fou, juste pour ceux qui auraient oublié ça d'il y a un bout. Moi, j'avais presque oublié. C'est les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On est rendu aux positions numéro 10. Du côté anglophone, c'est Brand Van 3000 avec You, ça descend de deux places. Là, c'est vrai que c'est la pièce You. Oui. Vraiment tantôt. C'est vrai. Et côté francophone, on va aller écouter Jimmy Hunt avec Everything Crash qui monte de 9 positions. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Mon iPod de Mariana. Elle m'a donné son Jack et me tout le best dans des Éthiopiens. Everything crash. Chacun sa trompe sonore, on est resté des heures dans sa chambre. Mariana m'a repoussé quand j'ai voulu mettre ma main en ses jambes. Everything crash. J'ai mis du gaz pour te faire l'iPod de Mariana. Mais j'ai gardé sur Jack Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crash. Je vais devoir me rassembler tous les jours en rentrer dans ses mains. Everything crash. Je suis parti refroidissant de revoir Marianne. Mais j'ai gardé son Jack et Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crash. We'll be right back.

affaires, la mallette, la cravate, première classe sur l'avion. Je te demande, qu'est-ce que moi écouter comme musique à bord? Branche-toi donc sur FOU.ca. Online, on se comprend? C'est fou en ligne. Une présentation de Infotech Internet. C'est bon? Je m'ennuie. Deux, trois pintes avec mon chum mimé. Assis au bord, on est prête à s'oublier. Oh non, je veux rien savoir. Quand en plein jour, j'ai peur du noir. Quand je suis sans traque avec la gueule qui shake. Le dick à broil, pis cerveau à bake. Mais t'as le goût et pis t'as soif. T'as envie d'avoir le plein à la face. Salut Ryan, c'était un autre jour de pluie. J'suis capitaine de mon propre ennui. Bras, la couleur de l'amour. Bras, la couleur de l'amour. Quand j'en arrache pas, j'ai de la marde dans la bouche. Plus j'y pense, moins je peux m'en rappeler. Sur le mois de décembre ou bien le mois de mai. Mais tout coule, tout recommence. Plus t'approches, puis plus ça t'avance. Tu flottes quelque part dans un océan de bière. Pourquoi tu ris? Aujourd'hui c'est comme hier. Mais t'as le goût et puis t'as soif. T'as envie d'en prendre plein à la face. Salut Rogan, c'était un autre jour de pluie. J'suis capitaine de mon propre ennui. Bras, la couleur de l'amour. Bras, dans le fond de ma carapace. Si demain matin déclare des élections, moi puis lui on vote pour que tu reviennes à maison. Pour que ça soit drôle, faudrait au moins que ce soit le fun. La toune est là, mais je la chante à personne. Quelque chose arrive ou bien quelqu'un arrête, qui rentre ici puis qui me l'autre dedans tête. Mais t'as le goût et puis t'as soif. Bras, la couleur de l'amour. Bras, numéro 9. The whole world's watching. The whole world wants so much more. All you hold so dear. You better learn to hold it near. Great waves of industry. Great waves rise up as we sprawl. Can someone hear me? Make the Man avec Dreamless Night. C'est la 9e position. Ça monte de 9. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Du côté franco, on a entendu Bernard Adamus avec Brun. La couleur de l'amour. Ça monte ça de la 17e place. Avant ça, c'était les positions numéro 10, Jimmy Hunt et Brand Van 3000. C'est la fin de la 2e heure. On en a une 3e avec les instants classiques d'assemblage requis. Oui, et les positions numéro 1 à 8. Est-ce que ce sera encore 1 à 8 pour sûr? Est-ce que les numéros 1 vont être encore Alex Nevsky du côté franco et OK Go du côté anglo? C'est ce qu'on saura, alors restez avec nous. Un acteur né, ce Mathieu Plante. Hein? C'est vraiment un acteur là, de talent, de renommée... international. Local, mettons, au pire. Bon retour, c'est les Palmarès, c'est fou. Troisième heure pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2010. C'est moi, l'acteur, Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. La cantatrice. Ou tentatrice. Son bras gauche. C'est ça, mon bras gauche. En effet. Troisième heure des palmarès qui doit commencer rapidement. On va passer droit au but. On tournera pas autour du buisson. On fera pas, passera pas par quatre chemins. On fera pas autour du chapeau. On passera pas go. On collecte. Un peu ce que tu es en train de faire là. Genre, là. Mettons. On va l'entendre les positions numéro 8 et 7 ensemble. Du côté anglo, c'est Winter Sleep avec Preservation qui est en 8e. Et côté francophone, on va aller écouter Alex Maniac avec Monsieur Ballonnet stable, 8e position. Palmarès, c'est fou, 89 FM. Monsieur Ballonnet, hey, hey, hey, Monsieur Ballonnet, c'est aussi l'ami de Barney. L'affaire avec des grosses taches vertes, comme mon ami Monsieur Ballonnet. Hey, hey, hey, hey. Preservation. don't do what they're told. However do we begin it? Alors, mon nom est Mario Goyette des Frères Goyette. Je suis auteur, compositeur et interprète. Lorsque j'écris des chefs-d'œuvre, j'ai besoin de diversité. Et pour m'inspirer, CFOU est là. Que ce soit pour des groupes metal, pour du hip-hop, du rock'n'roll, du classique, du traditionnel ou du trad, du progressif, la chanson québécoise. Il y a de tout et c'est gratuit et c'est bon. CFOU, une radio d'action. Avec la pièce Something Else de l'album Special Affection. C'était à la 7e position, ça monte de 7. C'était précédé du côté francophone par Ripé et Rockstar qui est stable de son côté. Yes, et on est rendu aux 6e position, mais on va passer par-dessus la 6e position du côté francophone. C'est Jérôme Minière avec Des pieds et des mains qui baisse de 4 positions. Et puis c'est ça, mais avant ça. Why not? Pourquoi pas? Écoutez les meilleurs moments. Instant classique. Ouais, je vais laisser André la chanter. Ça chante un petit peu mieux que ce que tu viens de faire, par contre. Oh, excuse-moi. Ah, je m'excuse. Ah ouais, vas-y. Ouais. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 29 novembre 2010. Surprise, j'ai un minuscule, un tout petit. Qu'est-ce que tu as de tout petit, mon ami? Wow, pas de rumeur. Non, je ne sais pas. Au contraire, c'est un petit poste d'écoute. Qui est toujours un kiosque là, qui est arrivé. Là. Oup, il est prêt ce matin, donc ouais. Si vous rentrez dans l'université, oup, prenez-en un, il est aussi distribué partout ailleurs. Il sent la cannelle. Ouais. Il sent la cannelle. Oui, parce qu'il est frais sorti du four, comme une brioche. Là. Comme une brioche, écoute, c'est pareil. Il y a peut-être du coulis dessus. S'il y a du coulis, je vous suggère peut-être de prendre l'autre en arrière. Okay. Ouais, je le. Ouais. Ouais. Et de vous en servir pour autre chose que ça. Oh. Écoute. Tu dégoûtes, François. Je dégoûte. Sans toi, ils sont de campus. Ah, j'en ai déjà un. Ah, je suis assis sur eux. Ah, c'est, ça sert de couche aussi.

Cause nothing ever doesn't change, but nothing changes much. Maybe it's not so bad. So let your head down now, wet knuckles. Or maybe it's not so bad. Okay, go avec White Knuckles à la 5e position et c'était notre numéro 1 la semaine dernière. Oui, c'est dommage, une petite chute comme ça. Même chose pour Alex Nevsky du côté francophone avec Sous les stroboscopes, c'était le numéro 1 la semaine passée, c'est maintenant en 5e place. Alors, on a deux nouveaux numéros 1. Oui, lesquels sont, qui c'est que c'est, hein? On va voir. D'ici la fin de l'émission, il nous reste environ une demi-heure ensemble. Une demi-heure qui va passer très très vite parce qu'on va sauter par-dessus une pièce. Malheureusement, Black Mountain avec Old Fangs en position numéro 4 stable. Alors, on va aller écouter pièce francophone à la 4e position, c'est Paul Cariello avec La course des loups. Suivront les positions numéro 3, Jérôme Dupuis-Cloutier et Hooded Fang au palmarès, c'est fou! Yeah. tête, tu l'éteins. Il lui crache dedans. Par la pyrrhesse, il te frappe. Pour que ton petit cœur dérape. J'aime bien où tu mets les pieds, c'est là qu'ils se promènent. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le sien. C'est là qu'il se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant de tien. Oui, il est seul. Il n'a pas d'amis. Mais il est attention au cœur fragile. Numéro 3. When I feel like dancing on, dance with you. Two flat quarters lead me close to you. And as the days stumble by, I look to you. And you're always there to say, times when it all seems so stale, I'll be with you when the going gets going. Feel Hooded Fang et La Fille. Ça monte de 7 places en position numéro 3 anglophone. Juste avant, c'était Jérôme Dupuis-Cloutier avec Johnny Malaise qui monte de 8 positions. Tu savais pas quand est-ce que j'allais arrêter de faire des ha-ha? Hein? Non, ouais, j'hésitais. Il y a comme un Johnny Malaise, mettons. Oh, je me bidonne. Ouais. On est rendu au top 2. Hein. Il reste pas grand-chose à entendre dans notre beau petit palmarès, là, qu'on appelle les palmarès, c'est fou, entre guillemets, français, hein, et ceux qui sont comme en triangle. Là. Mais il reste que le meilleur. Ouais, c'est pas comme si on avait du temps pour faire des mauvaises blagues non plus, là. Non, fait que allons-y tout de suite avec la deuxième position. On va entendre Rara Riot avec Too Dramatic qui monte de 5 positions. Mais avant ça, on va entendre les frères Goyette qui montent de 14 places. Wow! Wapapaw! Oui, en effet, c'est tripant et capotant et carrément buzzant. Capoté! Capoté! Non, c'est non, toi, non, c'est non, moi, non, c'est nous autres! Non. Franchement! Les frères Goyette avec Mercury, entre parenthèses, Pierre Mercure, tout de suite. Ah, c'est fou! 89 FM. Il fait un froid de canard et février demeure le mois le plus tough. Et dame nature pousse sa loque. Voilà que les plus braves déblaient la glace et mettent la table. Le hockey est à la carte. Et certains disent qu'un prodige serait au vestiaire. Un bulbe tu les panfouilles sous un gros pied de terre. Un genre de qui la fleur évoluant pour sa prospère. Mais qui patine pas, qui chouant. Lorsqu'on le regarde de l'extérieur, l'athlète semble venir d'ailleurs, d'un long voyage en porte-conteneur. Mais c'est des oui-dire, y a son passeport, y a sa paperasse, et y a le CH tatoué sur le cœur. Ouais, y a le CH tatoué sur le chest, et certains disent Benjamin avec Crosby. Il met la marque d'enfant chaque fois qu'il se pointe la face à la glace. Oh ouais, c'est une machine, il aurait pu jouer pour la grande ligue, mais c'est pas une fois. Il joue en stick. Non, il patine pas, il joue en stick. Je voyais venir ma mon adversaire. Il va te prêter. Oh, et la gagnante qui veille être au grain lui sert un solide coup d'épaule, mesdames et messieurs. Vous voyez tête ébranlée. Sur la glace, il ramasse les dents. Pendant ce temps-là, Marchand se sauve avec la rondelle. Le long d'avance. Il file, il vole. Le bouquin est en feu, mesdames et messieurs. Il passe à Mercure. Mercure devant le défenseur. Le dévoue habilement. Renvoie à Marchand. Marchand zigonne avec la rondelle, la renvoie Mercure, lancée sur réception, et sur le but! Et quand le ref drape la poque, on peut sentir toute l'onde de choc, le slap shot résonne comme un grand coup de gun. Et le tonnerre pète, non, c'est les pads du Golden Goal. Les jambes vivantes qui blessent de l'âme. Zamboni le vilain de l'ouragan. Numéro 2. I don't understand. Dramatic de Rara Riot, c'était à la deuxième position, ça monte de 5. Du côté franco, c'était les frères Goyette avec Mercury, entre parenthèses Pierre Mercure, ça monte de 14 places. Vous savez que quand les frères Goyette entrent dans le palmarès, ils sont là pour un bout et puis ils montent assez rapidement. Ouais. Et ils montrent aussi sûrement des affaires bien rapidement aussi, j'imagine. Dans leur web télé, mettons, sur Bande à part, Radio-Canada. Hein? Je me suis pas trompé, là, c'est vraiment ça que je voulais dire, montrer, là. Je te crois. C'est ça. On est rendu aux positions numéro 1. Et puis, vous savez, on a deux positions numéro 1 qui sont changées. La semaine passée, c'était Alex Nevsky avec Sous les stroboscopes qui est maintenant en 5e position. Et OK Go avec White Knuckles du côté anglophone qui est maintenant à la 5e aussi. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je vais pas vous le dire. Je vous dirai pas avant. Je voudrais pas être chien avec vous autres pour faire du faux suspense. Chien, Bouvier. Bouvier, chien. Ah, tu sais, c'est, on se trompe pas avec moi. Je vais pas vous faire des faux jeux de mots. Je vais pas vous berner. Bernois. Oh, c'est, mes jeux de mots. T'agis comme un enfant, Mathieu. J'agis comme un enfant. Wow, kids, c'est bien. je suis comme un petit fou en réagissant à ce que tu viens de dire comme blague. Je suis comme un enfant dans une bibliothèque. Alors. Dans un livre. Ou dans un livre pour enfants, encore. C'est vraiment très mauvais. Finalement, nos jeux de mots, hein, ce n'est pas la panachée. panachée. C'est encore pire quand je participe. C'est ça que ça veut dire, panacée, par exemple. Je suis même pas sûr. Mais moi, je fais des jeux de mots pour qu'ils sonnent bien, pas pour qu'ils soient véridiques, là. En effet, fait qu'on pourrait dire n'importe quoi, genre. Auteur! c'est auteur plus comme des livres dans la hauteur verticale. Les gens à la maison, les auditeurs, ne comprennent pas nos jeux de mots, mais c'est un petit peu l'idée de la chose. On les explique après avoir écouté les numéros 1. Donc, les voici à l'instant dans vos oreilles au palmarès. froze and my hands were frozen. I should have known, but my head was frozen. My head was frozen. But you should forgive us, 'cause we're all big kids in the end. And you will forget us, 'cause we're all les positions numéro 1, mais avant de dire les numéros 1, on fait un petit récapitulatif du top. Allons-y avec le top 4 pour faire différent. Non? 4? 4, OK. Du côté anglophone, la quatrième, c'est Black Mountain avec Old Fangs, stable. En troisième, Laughing de Hooded Fang. En deuxième, Too Dramatic de Rara Riot. Et en première, c'est Kids, qu'on vient d'entendre. Kids, comme dans les enfants, de Our Book and the Authors, d'où les jeux de mots sur la bibliothèque. Hein? Oui, et du côté francophone, quatrième position, c'est Paul Carniello avec La Course des Loups qui monte de 2. Troisième position qui monte de 8, c'est Johnny Malaise, Jérôme Dupuis-Cloutier. Deuxième position, les Frères Goyette avec Mercury, Pierre Mercure. Et première position, qui était numéro 3 la semaine dernière, c'est Panache avec Bouvier-Bernois, d'où les jeux de mots d'être chien et... De se berner. Et je crois qu'il y en avait aussi un sur c'est pas panaché. Ouais. C'était douteux, mais c'est comme ça qu'on les aime. C'est la fin des palmarès C'est fou pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine en direct les jeudis à 14h et en rappel les vendredis à 17h. D'ailleurs, les auditeurs du vendredi vont aller rejoindre les lutins de l'enfer dans quelques minutes à partir de 20h. Les auditeurs du jeudi, par contre, vont rester avec Stéphanie Gagné, les chanceux. Oui, pour une pinvèche en mission qui suit tout de suite après, dans quelques minutes. What's coming up on the show today? Drôle d'émission cette semaine. J'ai décidé de mettre beaucoup de pièces de groupes que je connais pas ben. Comme Death From Above 1979, c'est Rural bon, Alberta Advantage, Woodhands, Fan Death. Plein de choses que j'écoute plus ou moins, mais avec de très bonnes pièces quand même. J'aime ça. C'est une pinvèche en mission. C'est les jeudis à 17h. On rappelle, les mardis à 15h. Soyez à l'écoute. Voilà, passez une très belle semaine. C'était un beau palmarès pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. On va se quitter avec un extrait du top électronique. Palmarès qui va être présenté d'ailleurs samedi soir à 21h dans l'émission Le Vestibule. On va écouter la pièce Shepherd of the Stray Hearts du trio américain Lovers, trio féminin d'ailleurs. C'est tiré de l'album Dark Light qui, lui, est en troisième position. On se rappelle que c'est un palmarès de CD et non de pièces du côté de l'électronique. Alors voilà, bonne émission Stéphanie. Merci Mathieu, bonne semaine. Et puis, bye. Bye. Je suis gars, bye là. Bye bye. Ciao. Chaud. Chaud. Chaud. Chaud bye. Chaud bye. Ça se dit. OK. Comme John Cho dans Star Trek? Non, juste chaud bye. lights got round the cello card you're always pushing. I wanted you. I wanted you. I wanted you. Bring him in so sweet, there's him, sing him soft to me. Magnets find each other and I will be your lover and I will be your lover, oh I. Magnets find each other and I will be your lover and I will be your lover, oh I.